L'invité du jour, animé par Stéphane Weiss. Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois le président des Nuits Lyriques de Marmande, Philippe Mestre. Bonjour. Bonjour. Philippe Mestre, les Nuits Lyriques de Marmande débutent samedi et jusqu'au 26 août. Oui. Alors, comment se présente cette édition 2017? Quel a été le thème principal et les choix que vous avez auxquels vous avez procédé? Alors, cette édition est la 29e, c'est-à-dire pour nous, que, comme dirait M. Lapalisse, la 29e, c'est la dernière édition avant la 30e. Et donc, il nous a semblé qu'il fallait développer un thème là-dessus, qui était celui de la jeunesse. Très bien. Parce qu'on estime que 30 ans, c'est jeune et qu'on a encore plein de projets avec ce festival. Et donc, pour le thème de la jeunesse, on a choisi de nous appuyer sur un opéra mythique, l'opéra français le plus joué dans le monde après Carmen, c'est Faust. Oui. Voilà, puisque le docteur Faust est en quête de la jeunesse éternelle. Et pour cela, il est prêt à vendre son âme au diable. Alors donc, voilà. ça sera le spectacle d'ouverture, hein, samedi soir. Oui, samedi ça sera le soir. 19 août, là, c'est un grand opéra, et peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais oui. Ça sera un beau spectacle. La jeunesse aussi, avec Sheva Théoval, qui est, sur les 29 années que l'on a passées du concours de chant, une des candidates qui nous a le plus marqué, c'est-à-dire avec elle, on a eu le sentiment de découvrir ou de redécouvrir des œuvres et des airs comme on les a jamais entendus. Donc on a voulu donner une place particulière dans notre programmation à cette jeune soprano. Donc ça sera un récital qu'elle donnera le 20 août à Fourques. Et donc voilà, c'est un jeune talent. Ensuite, il y aura une programmation du cinéma avec Phantom of the Paradise, c'est toujours un partenariat avec la PACAM, c'est un vieux film pour autant, mais qui est des années 70, mais qui représentait une certaine jeunesse aussi à l'époque, met en scène aussi le thème de Faust là-dessus. Et donc il y a après le concours de chant qui va durer pendant 4 jours avec 160 jeunes de tous les pays, en sachant que ce festival a commencé en avril avec la Bohème qui avait été donnée, qui est aussi un autre thème sur la jeunesse, puisqu'il s'agit de jeunes étudiants en cohabitation, on veut dire, fin du 19e siècle à Paris. Alors ce concours international de chant, c'est le 29e également, hein. Oui. Comment est-ce qu'on y participe et comment il se déroule? Alors on y participe d'abord quand on est chanteur, quand on a terminé un peu ses études, son initiation, et on envoie donc une demande d'inscription avec un CV et puis des airs que l'on veut chanter, et si l'on est retenu, on s'inscrit avec des droits d'inscription, soit en épreuve opéra, soit en épreuve mélodie française, soit les deux. Là, on a actuellement 160 inscrits en opéra, plus 60 en mélodie, et certains candidats font les deux épreuves. Très bien. Et la finale? Ensuite, il y a un jury composé de directeurs d'opéra et de chefs d'orchestre, puisqu'en gros, il s'agit de mettre en face des employeurs potentiels et des employés potentiels. Et cette année, on est très heureux, parce qu'on va voir l'Opéra de Bordeaux, qui vient d'avoir une nouvelle direction, qui sera là. Et le tout nouveau directeur du Capitole, qui prend ses fonctions en septembre, mais qui tient à être là juste avant sa prise de fonction. Ça sera peut-être sa première prestation en tant que directeur public, puisqu'il tient à être là et il entend défendre la voix dans son nouveau projet du Capitole. Voilà, et donc la finale de ce 29e concours international de chant lors des Nuits Lyriques de Marmande, ça aura lieu donc samedi 26 août au Théâtre Comodia de Marmande, et ça sera donc, je crois, à 17h, 20h, c'est voilà, ça? Voilà, à 17h il y a la finale opéra, et à 20h la grande finale, 17h la finale mélodie française, excusez-moi, voilà, c'est ça. Et 20h la grande finale opéra. La veille, il y a les demi-finales, et ce qu'il faut savoir, c'est que deux jours avant, il y a deux jours d'éliminatoire, où de 10h du matin à 10h du soir, on entend des chanteurs et des chanteuses du monde entier, et ces deux jours d'éliminatoire sont entièrement gratuits, c'est-à-dire les gens, les curieux, ceux peut-être qui n'osent pas ouvrir cette porte ou qui ne se disent le lyrique c'est pas pour moi, eh bien on les invite à venir là, et parce que c'est souvent un moment où ils découvrent cette forme d'art et beaucoup y adhèrent. On démarre l'ouverture de ces nuits lyriques, c'est samedi, donc à 20h30 au Théâtre Commodia de Marmande. Et vous le disiez, donc l'ouverture est faite avec Faust, le célèbre opéra de Charles Gounod. Ça, c'est un... Les mélomanes adorent, forcément. Les mélomanes adorent. Alors, c'est un opéra qui, peut-être, n'a pas été tellement servi par Hergé et par Tintin, puisque l'air des bijoux de la Castafiore, voilà, donne une mauvaise image de Marguerite, qui a 17 ans, normalement. Mais c'est peut... Jean-Philippe Corr qui met en scène cet opéra dans une version très dynamique et très importante, parce qu'on peut regarder ça comme une imagerie un peu désuète avec le diable qui prend l'apparence de Méphisto, mais en fait cet opéra touche des questions de fond qui nous concernent tous, celle de la vie, celle de la mort, celle de la jeunesse, celle de l'amour. Donc voilà, c'est vraiment un opéra qui, à travers une imagerie romantique, bien entendu, touche vraiment des questions qui, je pense, nous concernent en tant qu'être humain du 21e siècle. Dimanche à 21h30 à l'église Notre-Dame de Fourques-sur-Garonne, cette fois, donc on pourra entendre le coup de cœur, hein, c'est ça, des nuits lyriques. C'est un vrai coup de cœur. Vu la difficulté qu'on a eue pour caler cette date, je suis sûr que cette jeune chanteuse va faire une très belle carrière. Et je crois qu'il faut y être pour pouvoir dire, d'ici quelques années, on y était quand elle a chanté à Marmande et qu'elle n'était pas encore connue. Donc c'est Sheva Théoval qui est soprano. Oui soprano, et qui l'an dernier a trusté un peu beaucoup de prix du concours de chant de Marmande. C'est vraiment une interprète remarquable et qui va développer un répertoire Poulenc, Ravel, de mélodies, mais aussi quelques airs d'opéra. Et elle sera accompagnée au piano par Juliette Sabat. Voilà, qui est une jeune fille avec laquelle elle a l'habitude de travailler. Donc on sent ce désir un peu de travail en commun, de musique de chambre, de faire corps avec le piano pour donner la meilleure interprétation possible. Alors vous le disiez, il y a un partenariat donc avec le cinéma Plaza de Marmande. Et il y aura donc le mardi 22 août à 20h30 une soirée cinéma. Oui, avec un film de 1975, c'est l'année où je passais le bac, vous voyez, donc c'est toute ma jeunesse. Brian de Palma, et puis ouais. Ce film où on a un peu repris les thèmes du fantôme de l'opéra et le mythe de Faust aussi, donc on a trouvé que ça entrait en dynamique avec le reste de la programmation. Et c'est intéressant de voir dans les années 75 comment on transposait dans la jeunesse de l'époque le mythe éternel de Faust. Donc on a trouvé que c'était un excellent contrepoint. Et c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre l'opéra et le cinéma, puisque je pense que l'opéra a été longtemps le cinéma de tout le monde. C'est-à-dire quand on voulait rêver d'exotisme ou quoi, on allait voir Carmen, et la musique, les décors nous faisaient voyager, comme nous fait voyager un film maintenant. Donc il y a, je pense, un lien très fort entre le cinéma et l'opéra, et nous sommes très heureux de ce partenariat avec la PACAM et les cinémas de Marmande. Voilà, et puis on l'a dit, donc mercredi 23 et jeudi 24 et vendredi 25, donc il y a le concours international de chant, les éliminatoires et la demi-finale, puis ensuite bien sûr la finale le samedi 26. Le marathon lyrique, vraiment, voilà. On invite vraiment tous les curieux à venir à ces deux jours gratuits, et puis voilà, et nous serons prêts à l'issue de tout cela, si tout se passe bien, à envisager notre 30e anniversaire l'an prochain. Justement, ces nuits lyriques, oui, l'opéra, c'est compliqué à populariser, c'est compliqué de faire venir le public. Honnêtement, moins qu'on ne le croit. Je crois qu'il y a beaucoup d'images, que beaucoup de préjugés, beaucoup... Les gens, c'est un peu comme tous, vous savez, on est dans une époque où on juge par rapport à des jugements que d'autres ont fait. Il serait bien qu'on se dise, jugeons les choses par nous-mêmes. Mm-hmm. On peut ne pas aimer l'opéra, mais allons à l'opéra pour voir si on n'aime pas. Et nous, on se rend compte d'une chose, c'est quand les gens viennent, ils adhèrent. Donc on est là-dessus, dans une époque de communication où la communication n'est pas une communication directe mais indirecte, où les gens attendent en gros de ce qu'on leur met dans la tête ce qu'ils doivent penser. Il serait temps que les gens se réapproprient leur manière de penser et leur jugement. Toujours est-il que on n'a pas de problème pour remplir les salles, que toutes les salles d'opéra sont pleines. La seule chose qu'il faut arriver à convaincre, c'est les gens qui se disent c'est pas pour moi. Et voilà. Et moi, tant que tant que je sentirai qu'il y a des gens qui peuvent se prendre de passion pour l'opéra ou la musique en général, mais que pour X raisons ils se disent c'est pas pour moi, ben je crois que mon combat ne cessera pas pour défendre la musique. Voilà, donc c'est notre combat là-dessus, mais c'est pas si difficile qu'on le croit. L'éveil des jeunes à l'opéra à l'école, ça c'est quelque chose pour lequel vous vous battez? Oui. Oui, et c'est vrai que sur la Bohème, on a pu mener une opération pédagogique qui a rempli une salle comédia, et on a travaillé avec les élèves pendant l'année, les instituteurs, les institutrices, et ça nous a permis de faire toucher aux élèves, les sensibiliser à l'expression lyrique. Par exemple, ils ont été très touchés de voir que dans la Bohème, il s'agissait d'étudiants qui peut-être ont les problèmes de leur grands frères, grandes sœurs, qui sont en colocation. Puis on leur a fait toucher aussi donc la voix, cette manière d'utiliser la voix sans micro, et on leur a fait toucher à la mise en scène aussi, par exemple, comment est évoquée l'idée du froid dans une salle qui fait chaud, comment le spectacle nous fait rêver et nous fait dire tiens, il fait froid. Donc les élèves ont analysé des différentes mises en scène sur des vitres cassées, givrées, des personnages qui ont des mitaines, qui ont une écharpe. Donc ils ont pu s'initier à cette dimension du spectacle qui nous amène dans un autre monde. Et quand on a très chaud, peut nous faire croire qu'on a très froid. Alors les Nuits Lyriques de Marmande, donc c'est à partir de samedi et jusqu'au 26 août, c'est à Marmande, sauf un spectacle qui aura lieu à Fourques-sur-Garonne, donc oui. Ce sera, si je ne me trompe pas, c'est mardi prochain. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez avoir des renseignements complémentaires en téléphonant au 05 53 89 68 75. Et puis il y a un site internet, c'est www.festilyrique.fr, et là vous aurez la programmation et tous les détails du festival. Merci beaucoup Philippe Mestre. Merci à vous. Merci, au revoir. Oui, au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Stéphane Weiss.